FrenchPod.com. Bonjour. Mes parents m'ont envoyé un colis il y a 2 semaines, mais il n'est toujours pas arrivé. Je vois, monsieur. Je vais regarder. À quel nom, s'il vous plaît ? Rosier. Ah, comme la plante. C'est urgent ? Qu'est-ce que vous entendez par « c'est urgent » ? Eh bien, est-ce que vos parents ont précisé que c'était un colis express ? Je ne sais pas, peut-être... Alors voilà, s'ils ont rien dit, c'est normal. Ça peut prendre un mois. Comment ? Bah, je peux rien faire pour vous. C'est une honte ! Vous entendrez parler de moi ! Eh, Robert, les clients, ils sont un peu tendus aujourd'hui, non ?